Cody, Busta Rhymes. Je vous préviens, ça va aller vite. On s'en bat les couilles des études, donc on est sur Insta. On peut faire de la pub pour des produits sympas. Faire de la thune avec Pedro en éventail. Donc pour 10 000 bars, donne un peu de toi. Mais descends ta photo, l'eau, on ne m'intéresse pas. Regarde, ouais, voilà comme ça. On s'en fout de ton visage. Montrez-nous un peu de street. Vous avez compris les filles, vous avez des produits marketing. Et vous les gars, faut être costaud. Bien habillé, il faut être costaud. Et si il parle sur ta tête, sur ta mère, sur ta femme, sur ta voix, sur ta voix, sur ta voix. Et si tu veux, ça fait plein de filles. Faut pousser la fonte. Mais encore bisous à 13 filles. Faut tosser la honte. Faut que t'aimes les ballons, les flingues, les blondes, les balles, les canons et les stops. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Les filles, les filles, les filles, ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Valentine, respire. Respire. Valentine, respire. Respire, j'ai dit Valentine. Respire. Respire. Valentine. Respire. Si t'as du mal à suivre, bienvenue dans l'équipe. On est tous un verre, c'est de cirque un verre. Je suis un verre, et je suis sincère. On crée une génération de petits qu'on déteste ça. À peine 7 ans, ça faisait pas culture de la peste. Quand ils sont le net, ils ont déjà maté du porno. Et le pire, c'est qu'ils sont même pas choqués avec leurs photos. T'as un cul à la télé, à la radio, dans les journaux. Génération, si t'as pas de boulot, t'as pas de boulot. C'est la merde, et le jeune âge, ils n'écoutent pas les ça. Et les parents sont contents, ils ne voient pas la pagaille. Ils s'occupent de leurs enfants, ils ont beaucoup de travail. On est des filles, des filles, t'imagines à Philadelphie. Pour enfiler des filles, films comme des filles, fouines, le profil en wifi. Quand l'école est finie, t'as de la belle ville dans les films, dis comme dans les films. J'ai rien compris. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Les filles, les filles, les filles, ouais, ça va trop vite. Respire, respire, Valentine, respire, respire, j'ai dit Valentine, respire, respire, Valentine. Respire. Oli, t'es prêt? Allez. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débattent, des coups de poing, les battes, des patates dans la tête, des bavures, des balles qui se ferment dans le bâtiment, c'est devenu banal, des petits qui calent, faut que t'arrêtes. Y'a ce type de mots du balcon pendant la bagarre, pour une histoire de parquet, de cave, de femmes, tout le monde fait un cave, on peut te braquer, te cacher dans une cave, demander des vides, le sac, pour quelques dollars. Tout le monde veut la baraque, la belle bagnole, taper des barres au baléar, avec sa bande de poids, dans cette époque, t'as pas de milliers de billets, des pauvres, les poches pliées, des milliers pour remonter la cote, qui t'a fait le plus petit ou bien, marquer la force, casser la force, s'il y a des morts, c'est le manette à droite, peu importe, t'es prêt pour embarquer la cagnotte, non, non, stop. Ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Les filles, les flics, ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Valentine, respire, respire, Valentine, respire, respire, j'ai dit Valentine, respire, respire, Valentine, respire. Yo, nobody listen cause they no leader to follow. Nobody don't want no discipline because they always giving in. Well, they really busy giving their souls and telephones. It's the kind of day we living in. Better know the kind of water we fighting, the kind of fire we lighting. Now let me show you what the shit to do. Show you how to focus and show you the truth about yourself. When you be on the phone, it's a phone really using you. Everybody wanna post ass things and they wanna post money and they wanna post. Even if it's just somebody that's getting ready to die, you motherfuckers be doing the most so you can brag about. So I can cash the ghost, I can get my phones, I'm in the homes, I can answer though. I can answer though. I'm gonna go to war, we're gonna go. They say I'm glad you're back. I tell my cousin check. Now when you're back, you're dead. I'm with your self-respect. I got a plan for that. But you always get up and rap and be always giving the truth. You better watch your step. You better know where you're going. You better know when to leave. You better know how you're rolling in every moment you breathe. You better prove it as you own. Because when you're fucking around, you know we're keeping it growing. Gotta. And I hope people listening. Keep quiet so you hear the birds whistling. Very important because the way the common man think and the common state of mind is a crippling. And I'm here to reposition the conditioning because it's had a rippling effect and it's sickening. God bless. Get it right, everybody. And I hope you appreciate this kind of truth that you're witnessing and envisioning. And envisioning. And envisioning. And envisioning. And envisioning. And envisioning. Les gars, si moi je reçois la vidéo, il n'y a même pas écrit Big Flo Oli Wawa, d'accord? Si la vidéo c'est SL740021. Oui, voilà. Non, en bas. Oui, ça là. 84 vues. Écoute Flo, frère. Oh non. Wow. Vidéo malaise. Heureusement qu'il n'y a pas de.